Est-ce que vous saviez que certains jours de l'année sont un vrai prétexte à faire la fête chez les uber geeks et autres mathématiciens? Par exemple, les chimistes américains font la fête chaque 23 octobre de 6h02 du matin à 6h02 du soir. Et que fait-il? Eh bien, la journée de la mole, bien sûr. La mole, c'est cette unité de mesure qui contient autant de particules qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone. On l'appelle aussi la constante d'Avogadro. Et sa valeur est de 6,022 fois 10 puissance 23, d'où la date et l'heure. En américain, le 23 octobre se note 10-23. Il y a plus geek encore. Il y a la journée de la racine carrée, par exemple. La dernière a eu lieu le 3 mars 2009. Ça fait 3-3-9. Bon, c'est assez rare, évidemment. La prochaine aura lieu le 4 avril 2016, le 4-4-16. Et la suivante, ben, ce sont sans doute vos enfants ou vos petits-enfants qui vont la fêter. Ce sera le 9 mars 81, 2081, donc 9-9-81. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi toutes ces dates, qu'est-ce qu'on peut bien être en train de fêter en ce 14 mars? Allez, quelques indices. Nous fêtons un nombre que nous aurions pu fêter, par exemple le 10 novembre en cette année textile, car ce sera le 314e jour de l'année, ou le 22 juillet, c'est-à-dire le 22-7, car 22 divisé par 7 égale 3,14. Vous l'aurez compris, le 14 mars en notation américaine, c'est 3,14. Bienvenue sur Podcast Science, où grâce à Nico, notre mathématicien préféré, nous nous sommes jurés de fêter pi comme il se doit. Salut, moi c'est Professeur Fun. Autour du studio virtuel ce soir, quelques-uns de mes amis. Nico d'abord, salut Nico. Salut. Donc tu vas nous présenter ton dossier sur Pi. C'est la C'est fête de ça, Pi aujourd'hui. pour fêter Pi. On va fêter ça comme des grands. Autour du studio virtuel, toujours, on a Hélène avec nous. Salut Hélène. Salut. Et Marco. Salut, bonsoir l'équipe. Salut Marco. Franck n'est pas des nôtres ce soir, il vous prie de l'excuser, il n'est pas puni pour une fois, il avait juste pas le temps, ça arrive. Donc, sans trop tarder, on va entrer, ben, comme d'habitude, assez rapidement dans le vif du sujet. Nico, t'es prêt? Je suis prêt. Alors, nous sommes tout ouïes. Donc, on va parler ce soir de Pi. Alors, d'abord, une petite excuse, hein, le podcast est à l'heure habituelle, on n'a pas fait ça à 3h de l'après-midi ou à 1h59 comme le moment où le MIT dévoile ses admissions, donc le 3-14 en date américaine et à 1h59 qui sont les décimales suivantes dans Pi. Bref, on est dans un jour très particulier dédié à un nombre, Pi. Alors, ton introduction était très bien, Alan. Parce que tu as dit qu'il y avait d'autres nombres célèbres, alors, et aussi d'autres constantes célèbres en dehors des mathématiques. Alors, au niveau des nombres célèbres en mathématiques, on a racine de 2, on a le nombre d'or, on a exponentielle. On a aussi un peu moins connu, mais tout aussi intéressant, qui s'appelle oméga, sur lequel je reviendrai vers la fin. Et on a pi. Alors, pi, il garde un statut assez particulier, parce qu'on le connaît tous. Enfin, je pense que vous le connaissez, hein. Et pourtant, il a embêté et il continue même à embêter ou occuper les mathématiciens, voire même plusieurs scientifiques, du fait de ses propriétés pendant 4000 ans dans l'histoire. Donc, on va essayer de retracer un peu un bref historique et surtout de voir un peu quelles sont ses propriétés remarquables. Alors, Okay. d'abord, je vais commencer par vous faire bosser. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est pi? Tu veux la valeur de Ah ben pi, je veux c'est ça? une définition de pi. Alors, allez, involontaire. Marco, Hélène. Alors, allez, je tente. Je dirais que c'est l'aire d'un cercle qui serait inscrit dans un carré de 1 cm de côté. Waouh! Alors ça doit coller. C'est pas la définition la plus simple, mais ça doit coller, ouais. Ou sinon, une définition peut-être un peu plus simple, c'est la circonférence d'un cercle de rayon 1. Que je dise pas de bêtises, non, oui. C'est la circonférence d'un cercle de diamètre 1. Ouais? Circonférence D'accord d'un avec cette cercle de diamètre définition? 1. Ouais, moi je suis d'accord avec tout ce que Ouais, tu me plutôt dis d'accord là. avec cette définition. Donc ça, c'est la définition, je pense, que vous avez peut-être vue en premier, sans doute un peu avant celle du cercle inscrit dans un carré. Et alors, plutôt que parler très longtemps de cette définition que tout le monde doit connaître, on va plutôt se poser une question que vous n'êtes sans doute pas assez posée, c'est est-ce que pi est constant? Parce que finalement, quand on dit que Pi est égal au rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, rien ne dit que, y a aucune raison que ce rapport soit constant quand on change de cercle, quand on augmente le diamètre du cercle. Ok, alors soyons fous, posons la question. Voilà, Pi Pi est-il est-il constant? constant? Alors, il se trouve que la bonne réponse, c'est que la réponse est oui, mais Ah. comme toute démonstration mathématique, c'est dans un certain cadre. Alors, je ne vais pas faire ici la démonstration parce qu'elle est très géométrique, comme pas mal de choses avec Pi, donc il faut vraiment voir les dessins. Ça utilise le théorème de Thalès, dont vous avez dû entendre parler à une certaine époque de votre vie. Les Et triangles sont des cercles, c'est ça? de quoi? Le théorème de Thalès, c'est quand on met un triangle dans le cercle. Je sais plus très bien ce qu'on en fait, mais c'est Non, celui-là. c'est surtout quand Ah. tu as un triangle avec deux. En fait, souvent il y a deux triangles ou alors un triangle où il y a deux droites parallèles. Et donc c'est des histoires de rapports égaux. D'accord. Donc avec ces histoires-là, on peut démontrer que pi est constant. Mais ce qui est plus intéressant là, et donc dont on peut parler à l'audio, c'est que le théorème de Thalès, pour qu'il soit vrai, il faut se placer dans la géométrie d'Euclide. Alors si vous vous rappelez mon précédent dossier, on a parlé brièvement de ce que c'était que la géométrie d'Euclide et des géométries non euclidiennes. En gros, c'est une géométrie plate. C'est-à-dire il faut qu'on soit bien plat. Et le truc intéressant, c'est que manque de peau, ben, la Terre n'est pas extrêmement plate, elle est même un peu courbe, voire sphérique. Et ce qui fait que sur Terre, si on s'amuse à faire des cercles, à mesurer les rayons et à diviser ouais, les diamètres et à diviser les diamètres par la circonférence, ben, on ne tombera pas sur une constante, parce que ça dépendra justement de cette courbure de la Terre. Donc ça, c'était pour commencer sur l'anecdote, c'est pas si obligatoire que pi soit constant. Bon, il se trouve D'accord. qu'en mathématiques, on va parler de géométrie euclidienne, de géométrie bien plate. Donc on sera en effet dans un nombre bien constant. Ça marche. Mais en fait, ça c'était intéressant de parler de ça parce que ça différencie un peu deux approches sur les constantes, entre guillemets. D'un côté, on a les constantes physiques, c'est-à-dire on fait des mesures et on remarque qu'il y a un rapport ou même une mesure qui est constante, qui ne varie pas en fonction de plusieurs transformations, plusieurs expériences. Pourquoi je dis constante physique? Parce que il se peut que cette constante, une fois qu'on a atteint une certaine précision, on se rende compte qu'elle soit pas exactement constante, mais qu'on puisse, mais que elle varie un peu. Et de l'autre côté du ring, on a les constantes mathématiques, où là, grâce à des hypothèses, ben, on a démontré que cette valeur était constante. Donc, elle peut pas varier. C'est une démonstration. Et en fait. Du coup, on parlera pas trop de constantes, on parlera plutôt de nombres, comme pi, qui est plutôt un nombre qu'une constante. Et alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de pi, c'est qu'au début, ça a été une constante physique. Et après, c'est devenu une constante mathématique relativement tard, grâce à un scientifique célèbre, particulièrement célèbre pour les bains qu'il prenait. Donc, je sais pas si vous devinez déjà qui c'est, mais on verra tout à l'heure. Celui qui a crié Eureka. Je crois que c'est lui qui a crié Eureka, ouais. Ouais, c'est bien celui à quel je pense. Oui. De toute façon, des scientifiques célèbres, grâce à leur bain, il n'y en a pas des tonnes non plus, je pense. C'est Alors, la vrai. première apparition que j'ai trouvée sur Pi, ce serait sur une tablette babylonienne d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ, où là, grâce à un hexagone, donc un hexagone c'est une figure avec six côtés, et ici c'est un hexagone régulier, donc six côtés égaux, inscrit dans un cercle, c'est-à-dire que c'est le plus grand hexagone qu'on peut dessiner dans un cercle, les Babyloniens ont réussi à proposer une approximation de pi égale à 3 plus 1 huitième. Donc c'est pas mal, surtout pour l'époque. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, là je vais dire des approximations de pi, mais à l'époque on parlait pas de pi, c'est-à-dire il n'y a rien qui prouve vraiment qu'on savait si c'était une constante, on se rendait compte que ça variait pas trop, et surtout on ne sait pas trop s'ils pensaient que c'était exact ou une courbe entre circonférence et diamètre avait une valeur qui pouvait être celle-là. Alors les Égyptiens, pareil, on avance un peu dans l'histoire, on est à moins 1650 ans avant Jésus-Christ. Alors ce qui est amusant sur les Égyptiens, c'est qu'eux, au lieu de montrer, de dire à quoi était égal pi, ils ont proposé une méthode pour calculer la surface d'un cercle à partir de son diamètre. Alors pour l'anecdote, ça a été retrouvé sur un papyrus qui s'appelle le papyrus de Rhind, oui de Rhind, je pense, qui en fait était la recopie d'un manuel scolaire plus vieux. Donc faut faire attention aux notes que vous prenez sur les manuels scolaires ou sur d'autres manuels, parce qu'ils peuvent être retrouvés 2 à 3 000 ans plus tard et servir de source historique. Et alors la méthode pour calculer la surface d'un cercle à partir de son diamètre, c'était d'enlever 1/9 au diamètre du cercle, puis de multiplier le résultat par lui-même. Et alors ça, si on travaille un peu les équations, on arrive à montrer que ça revient à une estimation de pi qui est égale à 16/9 au carré. Alors, ce qui est très intéressant là, c'est que c'est donc des estimations qui sont extrêmement vieilles de pi et où, a priori, À partir du moment où les gens ont commencé à écrire, à produire des documents, ben on a des traces de cette constante, d'une constante entre le diamètre d'un cercle et sa circonférence. Donc c'est quelque chose qui est très très vieux et les gens se sont rendu compte de manière depuis très longtemps qu'il y avait ce type de constante. Ouais, c'est fou. C'est assez Les fou, ouais. traces de pi sont pratiquement aussi vieilles Bah que que l'écriture l'écriture. finalement, hein, ouais, c'est ça. C'est qu'on en retrouve. Alors, sachant que c'est pas pi, hein, c'est vraiment des approximations entre cercles, mais il y a des constructions géométriques, et puis il y a cette volonté de mesurer la circonférence. Ouais, c'est ça, c'est la question de pi, même si c'est pas forcément une réponse Voilà. très précise encore. Ça Tout à fait. fait un moment que ça fascine l'humanité, donc. Ouais, ça fait un bon moment. Alors là, on va faire un saut d'histoire assez impressionnant, vu qu'on va aller maintenant en 250 avant Jésus-Christ, et donc on découvre Archimède, c'était lui qui prenait des baignoires, qui a transformé la constante physique en constante mathématique. C'est-à-dire que par une construction, il a proposé une construction pour prouver une approximation de pi, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que sa construction, on peut la pousser pour avoir une approximation aussi exacte qu'on veut, et donc démontrer que pi est constant. Alors, la construction est toute simple. Il s'est dit, bon, ben, je veux mesurer la circonférence d'un cercle. Alors, pour ça, je vais prendre une figure que je connais. Et alors, les figures qui ressemblent le plus à un cercle qu'on connaît, c'est des polygones. Alors, les polygones, qu'est-ce que c'est? C'est une figure qui, comme l'hexagone tout à l'heure, a un certain nombre de côtés. Donc, l'hexagone, c'était 6, un triangle, c'est 3, un carré, c'est 4, un pentagone, c'est 5, etc. Donc, c'est très bien mesurer la circonférence, entre guillemets. Il prend un pentagone ou un hexagone, un polygone, et il essaie de tracer le plus grand polygone à l'intérieur du cercle et le plus petit polygone à l'extérieur du cercle. C'est-à-dire il encadre le cercle par deux polygones. OK? Et ce qui est intéressant là, c'est que ce qu'il sait, alors là je dis ce qu'il sait entre guillemets parce qu'on s'est rendu compte un peu plus tard que c'était pas si évident que ça à démontrer et surtout que c'était pas vrai dans beaucoup de cas. Il se trouve que pour le cercle ça marche. C'est que la circonférence des deux polygones, donc du plus grand et du plus petit, encadrait pi, c'est-à-dire que la circonférence du cercle était forcément plus petite que la circonférence du polygone au-dessus et plus grande que la circonférence du polygone en dessous. D'accord. D'accord? Ouais, Et parce que alors, là, ce ça qui est marche. intéressant, ça, c'est qu'avec un hexagone, on a une approximation donc, dont j'ai parlé tout à l'heure qui est pas mal. Et si on continue à augmenter le nombre de côtés, avec 10, 15, 20 côtés, bien, on est de plus en plus précis. Et on arrive à atteindre la précision qu'on veut. Alors, c'est pas d'une efficacité remarquable, c'est-à-dire, je crois, sans me tromper, qu'il faut faire augmenter de 5 côtés les polygones pour gagner 3 décimales de pi, donc c'est pas extrêmement efficace. Mais ça permet de connaître les décimales et surtout, si on projette ça à l'infini, ben, on arrive à estimer pi, à prouver que pi est une constante. Dans la chatroom, ça s'éclate avec des jeux de mots sur pi, c'est assez amusant. Ouais, on s'amuse comme on peut, on t'écoute quand C'est même, hein, ça, c'est promis. voilà. Alors voilà, alors ça c'était pour la petite approche historique, donc la transformation de la constante physique en une constante mathématique. Alors aujourd'hui, ce qui est amusant, c'est que cette approche de pi qui est très simple et qui est celle qu'on enseigne à l'école, c'est pas vraiment celle qui est utilisée en mathématiques. Et il y a plusieurs façons de définir pi. Alors avant de venir à celle utilisée en mathématiques aujourd'hui plus régulièrement parce qu'elle est plus pratique à utiliser pour le mathématicien. Faut voir qu'il y a plein de manières de définir et de calculer pi. Donc globalement, partout où vous avez un cercle ou une sphère ou des choses comme ça, on peut trouver une mesure de pi. Donc j'ai mis plusieurs exemples dans le dossier. Il y a mesuré le nombre de une façon de calculer pi avec des cure-dents et un parquet. Donc pour ça c'est très simple. Vous allez plutôt chez votre voisin plutôt que chez vous parce que ça va mettre un peu de bordel. Vous prenez des cure-dents et là vous les balancez un par un par terre. Alors un par un c'est important parce que si on les balance tout ensemble, ça peut fausser la probabilité. Et le but du jeu est de compter le nombre de cure-dents qui va croiser les rainures du parquet et sur le nombre de cure-dents total. Donc si on fait cette division, ben ça dépend de la largeur du cure-dent, de la largeur des lattes du parquet et de pi. Donc on a un moyen de calculer pi en lançant des cure-dents. Alors je disais au début que dès que ça fait intervenir un cercle ou une sphère, on trouve pi. Là aussi, il se trouve que ça fait intervenir ça, parce que si vous imaginez un peu la trajectoire que font les cure-dents ou toutes les positions possibles qu'ont les cure-dents dans l'espace ou sur le sol, ben ça représente soit une sphère si on prend les extrémités du cure-dent, soit un cercle s'ils sont sur le sol. D'accord? J'ai été Ouais, un peu vite. si tu le dis. Voilà, donc en gros, alors c'est pas une démonstration du calcul, mais partout où on a des cercles et des sphères, on peut faire apparaître pi. Mais c'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en mathématiques, Pour que ce soit plus utilisable pour faire des calculs, en général, on utilise des définitions beaucoup plus complexes. Par exemple, en disant que c'est le nombre x tel que le cosinus de x est égal à 0, donc entre certaines valeurs. Alors pour ça, on est obligé de définir cosinus. Alors cosinus, on est obligé de le définir avec des exponentielles complexes, ce qui suppose de définir les complexes et les exponentielles. Pour définir des exponentielles, il faut définir des sommes infinies. Enfin, autant dire que c'est une masse de définitions de mathématiques à apporter pour définir ce truc qui est pi, qui était très simple au départ. D'accord? Ouais, d'accord, Ah, je ouais, croyais qu'on d'accord. m'entendait plus. Et donc, à Je te dis partir de pas là. les jeux de mots qu'il y a dans la Ouais, je vois ça, chatroom. j'essaie de pas trop regarder, mais ça a l'air plutôt sympathique. De toute façon, Ouais. Topo en a fait toute la journée, donc j'ai pu en voir. Oui, alors par contre, cette définition, elle est assez pratique parce que en utilisant un pi comme ça, on arrive à faire beaucoup de démonstrations et de prouver beaucoup de formules sur pi. Alors pour en citer qu'une, il y a un résultat très élégant sur pi qui est que si on calcule la somme de 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième moins 1 septième plus 1 neuvième, donc de l'inverse des nombres impairs en mettant des plus et des moins, ben on tombe sur pi sur 4 quand on fait la somme jusqu'à l'infini. Ah, jusqu'à l'infini, bon, ça Voilà. c'est Bien sûr, facile à sinon c'est pas démontrer. drôle. Bah ouais. Voilà, donc c'était pour les petites anecdotes sur pi et surtout sur ces définitions donc aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc cette définition de pi est intéressante et ce qu'on peut commencer à se demander, c'est pourquoi on n'a pas une définition de pi qui certes utilise des équations pour être plus simple à manipuler, mais pas des sommes infinies, parce que bon, on n'est peut-être pas obligé de faire utiliser une infinité de termes, etc. Et il se trouve qu'on va voir que c'est pas possible, et c'est un peu ce qui a rendu pi célèbre, c'est que pi n'est pas célèbre pour les propriétés qu'il respecte, mais plus pour les propriétés qu'il ne respecte pas. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à le ranger dans des ensembles de nombres plus simples. Alors, ben on va faire ça dans l'ordre. Les ensembles de nombres, le plus simple, celui que vous avez découvert en premier, le jour où vous avez découvert que vous avez des doigts sur votre main, c'est l'ensemble des entiers naturels, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors l'ensemble des entiers naturels, c'est sympa, mais très vite, on a besoin aussi d'avoir les inverses des entiers naturels, c'est-à-dire les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, ça forme un ensemble qui s'appelle les entiers relatifs. Ce qui est sympa, c'est que cet ensemble, ça permet de faire déjà pas mal d'opérations. Et on pourrait essayer de voir si pi appartient à cet ensemble. Alors, dans l'histoire, j'ai pas vu vraiment de gens qui ont cru que ça appartenait à cette histoire, sauf un, mais une source où on est. Enfin, je pense pas. Je suis pas sûr qu'il parlait de pi, etc. C'est dans la Bible. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une citation où ils font un calcul de circonférence à partir du rayon et ils utilisent pi égale 3. C'est à peu près le seul moment où peut-être qu'on a cru ou pensé que pi était un nombre entier. Mais les gens n'y ont pas trop cru. Donc on était obligé d'utiliser des nombres un peu plus compliqués. Alors, comme nombres un peu plus compliqués, qu'est-ce qu'on a? Ben, ça, c'est aussi des nombres qu'on utilise assez régulièrement. Quand on a une pizza ou une tarte, par exemple, ben, une apple pie, par exemple, pour continuer les jeux de mots de la chatroom. Si on fait des parts, ça va être des morceaux, c'est-à-dire on va prendre une part qui est un quart de la tarte, un huitième, un seizième, etc. C'est-à-dire qu'on définit la taille de la part en faisant le rapport entre deux entiers. Donc deux tiers, un tiers, etc. C'est ce qu'on appelle les nombres, prendre ce nom de rationnel. Mais ce qui est déjà beaucoup plus intéressant, c'est qu'avec ces rapports entre deux entiers, on peut définir des nombres avec une infinité de décimales, comme un tiers, qui est égal à 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Et puis finalement, on a l'impression qu'on peut définir à peu près tous les nombres, que finalement tous les nombres qu'on conçoit un peu dans notre tête sont des nombres rationnels, parce que soit ils ont un nombre fini de décimales, soit ils ont une séquence qui se répète dans les décimales. Par exemple, 3, c'est le nombre 3 qui se répète à l'infini. Il y a d'autres exemples de nombres, je dois avoir ça, moi je l'ai pas ici. Tous les nombres rationnels en fait qui sont définis par des quotients de deux entiers se répètent à l'infini. Alors comment on peut comprendre ça? C'est assez simple. Quand on fait la division qu'on a appris à l'école de deux nombres, on a appris que le reste de la division, donc qu'on appelle division euclidienne, est forcément plus petit que le quotient. C'est-à-dire que si je divise 50 par 3, le reste de cette division sera plus petit que 3. Ouais, D'accord? logique. Ce qui veut dire que les trois possibilités de reste, c'est 0, 1, 2 et 3. Et vu que je divise toujours par le même nombre, le reste que j'obtiens, je le redivise par ce nombre et j'essaie d'obtenir un nouveau reste, ben, pour 3, au bout de 3 opérations, je suis sûr que je vais cycler. Au maximum. J'aurais cyclé sans doute avant. Et ce qui fait que tous les nombres rationnels, forcément, au bout d'un moment, ben, ils cyclent. on revient à la position de départ et ça se répète à l'infini. Ok, c'est pour ça qu'il cycle. Tiens, j'avais jamais fait le rapprochement. Voilà, Oh c'est pour ça là. qu'il cycle. Donc, On apprend des euh, trucs intéressants le jour de pi, ça me plaît. voilà, le jour de pi, on apprend des noms intéressants. Alors, il se trouve qu'il y avait une école, c'est en 500 avant Jésus-Christ, c'est l'école pythagoricienne qui était convaincue que tous les nombres pouvaient se représenter sous forme de fractions, sous forme de rationnels. Et ça leur paraissait si évident qu'on a appelé cet ensemble de nombres les rationnels, parce que c'est un peu irrationnel de penser qu'il y aurait d'autres types de nombres. Et alors le grand malheur des pythagoriciens, c'est qu'ils sont très rapidement tombés, alors je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais ils sont tombés sous un nombre qui allait leur poser problème, à savoir le nombre racine de 2. Alors, racine de 2, c'est quoi? Si on dessine un carré avec un côté de 1, racine de 2, c'est la diagonale de ce carré. En fait, on peut démontrer avec un théorème qui, douce ironie, porte le nom de théorème de Pythagore, que racine carrée que justement cette diagonale fait racine carrée de 2, qui est le nombre dont le carré vaut 2. Donc si on multiplie ce nombre par lui-même, ça fait 2. Alors pour information, le théorème de Pythagore, on ne sait pas vraiment s'il est dû à Pythagore ou pas. C'est un peu compliqué. Il le connaissait à l'époque, peut-être pas sous forme mathématique, mais on ne sait pas exactement. Tout est que ce nombre, donc, qui multiplié par lui-même fait 2, les pythagoriciens auraient bien aimé qu'il soit rationnel, et on va voir que il a peu de chances d'être rationnel. Donc on va même essayer de le démontrer, ça va être la seule démonstration de l'exposé, qui sera donc un peu moins fatigant pour les neurones que l'infini. Alors par contre, comme pour dans l'infini, et comme pour souvent en mathématiques, et encore plus dans ce cas où on essaie de montrer qu'un nombre n'est pas rationnel, on va faire comme quand on n'a pas d'idée, on va supposer qu'il l'est, et on va voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre qui se passe. Alors pour racine de 2, on suppose qu'il est rationnel, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a deux entiers, P et Q, qui font racine de 2. Donc P divisé par Q, si on fait la division, ça fait racine de 2. Si on élève au carré le fait que racine de 2 égale p sur q, on obtient que le carré de p est égal à 2 fois le carré de q. Ça va jusque-là. Alors ça veut dire quoi? Si on a le carré de p qui est égal à 2 fois le carré de q, ça permet de dire que p est pair, vu que p est égal à 2 fois un autre nombre. Ça marche. Ouais. Jusque-là, ça va. Ouais, Donc, non, jusque-là, c'est à portée jusque-là, ça va. P de est pair. ordinaire. Ouais, Alors, P à pair. On va réécrire ces nombres on va essayer de compter le nombre de fois où P et Q, enfin P carré, oui, P et Q sont pairs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nombre de fois? C'est simple, ça veut dire qu'on va essayer d'écrire P de manière 2 fois 2 fois 2 fois 2 un certain nombre de fois un nombre qui est impair. Donc par exemple, on va dire que P est 5 fois pair si il est égal à 2 à la puissance 5, 2 multiplié par 2 5 fois, multiplié par un nombre impair. Bon, il se trouve que pour 2, il est pair une fois, donc ça ne va pas fonctionner. Alors, si un nombre, donc le nombre p que j'avais tout à l'heure, est pair j fois, est pair 5 fois, son carré, vu que le carré c'est un nombre multiplié par lui-même et qu'un nombre impair multiplié par un nombre impair reste impair, il va être pair 2 fois plus. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier 2 par lui-même 5 fois, on va le multiplier par 6, j'imagine. Donc ça veut dire qu'on peut affirmer que si le nombre p est pair j fois, donc on utilise des lettres, mais c'est comme si j'utilisais tout à l'heure 5 fois, le nombre p carré est pair 2 fois plus 2 fois, et pair 2 j fois, et pair 10 fois si c'était 5 fois le j. Si on effectue le même raisonnement sur q, donc qui était le quotient de la division du rapport p sur q qui vaut racine de 2, on a q carré qui est pair 2k fois. Alors c'est là où on va arriver à quelque chose d'intéressant, c'est que ce que j'ai dit au départ, c'est qu'on avait p au carré qui était égal au double de q au carré. Et vu que c'est égal à q au carré multiplié par 2, le nombre de fois où p au carré est pair, c'est forcément une fois de plus que le nombre de fois où q est pair. Est-ce que je suis clair là? Alors, moi j'ai la bonne excuse d'avoir eu une coupure en plein milieu de ton raisonnement. Ah, du coup je J'espère recommence. que c'était que de. C'est probablement que de mon côté. Alors, J'ai j'ai eu dit la même. au tout Ah. début, comme on a p au carré qui est égal à 2 fois q au carré, Oui. on multiplie par 2 une fois de plus q au carré pour avoir p au carré, ça veut dire que p au carré est pair une fois de plus que q au carré. Jusque-là, ça D'accord. va. Moi, jusque Donc, là, ça veut ok. dire que on a le nombre p qui était pair un certain nombre de fois et l'autre qui est pair une fois de plus. Oui. Alors, le gros problème ici, c'est que ce qu'on a dit d'un autre côté, c'est en élevant au carré le nombre pair, c'est qu'un nombre au carré est forcément pair un nombre pair de fois. Un nombre au carré est forcément pair un nombre pair de fois. Parce que Oui, j'avais tiens, dit bah que oui, bien si, sûr, parce qu'il est au carré, voilà, ouais. tout à Ok. fait. Et donc là, le problème, c'est que vu qu'on avait cette relation donc, où on suppose juste que racine de 2 est égale à p sur q, on obtient à la fois qu'un nombre pair, un nombre au carré est pair, un nombre pair de fois, et d'un autre côté, on obtient que le nombre p carré a un nombre de fois où il est pair qui est égal à deux fois le nombre de fois où q est pair plus 1. Donc Plus il 1, a un nombre ouais. impair de fois. Ce Ok. qui veut dire qu'on trouve à la fois qu'il a un nombre pair de fois et un nombre impair de fois, donc là il y a un problème, il y a une contradiction. Et vu que la seule hypothèse qu'on avait fait, c'est que racine de 2 pouvait s'écrire comme un quotient, ben, c'est que racine de 2 est irrationnelle. Pauvre bête. D'accord, donc mal barre pour les pythagoriciens. Voilà, mal barré pour les pythagoriciens. Alors ça, c'est quand même un très gros drame parce que ça, ben, racine de 2, qui est quand même un nombre extrêmement simple, c'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire que non seulement il n'y aura jamais de cycle, mais surtout ça veut dire que ben, les rationnels suffisent pas à exprimer tous les nombres. Donc c'était la fin de vie de l'école pythagoricienne qui s'est pas forcément très bien passée, je crois. Bon, j'entrerai pas dans les détails. Alors pour en revenir au sujet quand même de ce dossier, il se trouve qu'on a Ouais. montré que pi rentrait aussi dans cette catégorie de nombres, donc des nombres irrationnels. Ça a été montré en 1761 par Lambert. Alors la démonstration est beaucoup plus compliquée, c'est pour ça que je vais pas la faire ici. Mais donc pi est comme racine de 2, c'est un nombre irrationnel, on ne peut pas l'exprimer avec des fractions. OK. Donc on ne peut pas le ranger dans cet ensemble de nombres qui était plus simple. Alors, par contre, pi a une différence avec racine de 2, c'est que racine de 2, j'ai une manière très simple de l'exprimer, c'est que je peux le dessiner avec une règle et un compas. C'est-à-dire que je dessine un carré, la diagonale du carré, c'est racine de 2. Et après, je peux mesurer racine de 2 avec une règle. Alors que pi, certes, on a la circonférence du cercle qui vaut pi, mais mesurer une circonférence, c'est pas pratique avec la règle. Donc là, on s'est demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec une règle et un compas, de réussir à partir d'un segment de longueur 1, de tracer un segment, enfin, ouais, un morceau de, un segment de longueur pi. Alors ça, c'est un problème, qui s'appelle la quadrature du cercle. Alors on peut le formuler de plein de manières. Une manière peut-être plus simple est de dire réussir avec une règle et un compas de tracer un carré et un cercle qui font la même aire. Alors c'est un D'accord. problème pour l'anecdote qui a été posé par Anaxagore, un grec, en moins 500 avant Jésus-Christ. Et il se posa le problème. Alors pour l'anecdote, pourquoi? C'est qu'Anaxagore a été condamné à mort parce qu'il avait, il a eu l'idée saugrenue de penser que les étoiles n'étaient pas divines, mais étaient des masses incandescentes. Enfin, c'était quelqu'un Mais quelle qui avait idée! des idées un peu folles pour. Et donc il s'est fait condamner à mort. Et donc c'est lui qui a proposé la quadrature du cercle, dont où le principe de tracer un carré et un cercle qui ont la même aire avec une règle et un compas. Alors, ce problème qui a l'air extrêmement simple a occupé pas mal de monde et pas que des mathématiciens pendant très longtemps, vu que ça les a occupés jusqu'en On a eu une petite 1882, coupure. donc de moins 500 à 1882, Allô, où Nico? on a. Ouais, tu m'entends? Oui, on a eu une petite coupure au moins, À cette quel endroit? coupure. Je sais plus, du coup, j'ai Ah, oublié. je disais Ah oui, que. juste une petite phrase en avant, en arrière, quoi. Voilà, je On disais était que à c'était. 1882. Donc Voilà, ça a voilà, été P en démontré en 1882. 1882 et c'est un problème qui a occupé pas mal de gens. Donc en 1882, il a été démontré que c'était impossible, impossible de tracer un carré et un cercle de même aire. Mais ça a occupé pas mal de monde. Alors pour l'anecdote aussi, ça a tellement. C'est un problème qui est tellement simple en fait que tout le monde se disait je peux réussir à le résoudre. Donc même les non-mathématiciens s'y essayaient et envoyaient à l'Académie des sciences des démonstrations. À tel point qu'en 1775, l'Académie, qui devait intuiter un peu que c'était impossible, a dit qu'elle arrêterait de regarder les démonstrations de la quadrature du cercle parce que elle avait marre d'en recevoir. Alors, ça porte une maladie de continuer à essayer de résoudre la quadrature du cercle. Ça s'appelle le morbus cyclométricus, pardon. Donc, morbus cyclométricus. Bon, on va encore Et essayer de la placer à l'occasion. voilà. Donc, n'hésitez pas à faire une recherche Google et puis de cliquer sur le dossier pour morbus cyclométricus. Si on peut remonter dans Google sous ce nom-là, ce serait un peu la classe. C'est petit, ça. encore aujourd'hui, même si il a été démontré que c'était impossible, le problème paraît tellement simple que des gens essaient encore de le démontrer. Je sais que des amis qui travaillent dans des musées reçoivent ce type de démonstration. Okay. Alors, du point de vue plus mathématique, entre guillemets, avec des équations, pour démontrer que c'était impossible, il a fallu passer par des étapes intermédiaires. La première a été de rendre ce problème plus mathématique, mieux posé, c'est-à-dire d'exprimer un peu mieux ce qu'il voulait dire. Alors d'abord d'un point de vue géométrique, ce que ça veut dire d'utiliser une règle et un compas. Donc en fait ça c'est assez simple, ça veut dire de tracer que les seules choses qu'on a le droit de faire, c'est tracer une droite entre deux points déjà construits et tracer un cercle dont le centre est un point déjà construit et le rayon est la distance entre deux points déjà construits. Donc ça veut dire en gros qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On n'a pas le droit de dire je trace un point et puis je mets un autre point à une distance de pi et puis j'ai gagné. On utilise vraiment la règle non graduée et le compas. Et la deuxième étape plus importante a été de traduire ça en équation. Alors ça s'est fait en deux étapes. D'abord, il y a Descartes qui a montré que le lien entre ces constructions géométriques et un certain type d'équation, qu'on va appeler en fait les constructions par radicaux. Alors vous irez voir dans le dossier ce que ça veut dire plus précisément. Et puis surtout Wandsell, alors je sais pas, je pense que ça se prononce Wandsell, qui obtient une équivalence, c'est-à-dire qu'à la fois les constructions géométriques étaient équivalentes à ces constructions par radicaux, qui en gros sont d'utiliser uniquement l'addition, la division, les entiers et les racines carrées, et l'équivalence donc entre la géométrie et ça, et entre ça et la géométrie. Donc c'est vraiment les mêmes ensembles de nombres qu'on construisait. Donc, une fois qu'on avait montré cette équivalence, Wandsell, et c'était encore une autre étape, a pu démontrer que pi n'était pas constructible à la règle et au compas. Ce que je disais au niveau des équations, c'est que l'histoire d'être constructible à la règle et au compas, c'est ne pas utiliser, c'est essayer de définir pi avec des racines carrées, des additions et des quotients. Alors là, ceux qui ont le plus d'intuition mathématique dans ceux qui m'écoutent, et peut-être là parmi vous trois, on va Si dire tu veux pourquoi essayer. utiliser des racines carrées et pourquoi pas utiliser des choses n'importe une racine cubique, c'est-à-dire le nombre tel que élevé au cube multiplié 3 fois par lui-même fait le nombre qui est sous la racine cubique. Pourquoi pas des racines plus élevées, etc. Il n'y a pas de raison de se limiter à des racines carrées. Alors ça, c'est une généralisation qui existe et en fait, ça consiste à dire à définir des nombres qu'on appelle algébriques, qui sont solutions d'une équation polynomiale. Alors une équation polynomiale, c'est quoi? Ben, c'est une équation justement où on a des puissances comme ça. C'est par exemple une équation où on élève l'inconnu x à la puissance 5 plus 3 fois ce même x élevé à la puissance 4, etc., égale 0. Donc on définit une équation on parle des nombres qui sont solutions d'une équation comme ça, dont les coefficients. Donc c'est par exemple dans x puissance 3 fois 4 plus x puissance 2 fois 9 plus x égale 0, c'est les nombres qui sont devant les x puissance, qui sont les coefficients à coefficients entiers. Et alors un nombre est algébrique s'il peut être solution d'une équation comme ça, s'il en existe une dont il est solution. Et les nombres qui ne sont pas algébriques, contrairement à normalement en mathématiques, ils ne s'appellent pas des nombres non algébriques, mais ils s'appellent des nombres transcendants. C'est quand même assez impressionnant comme nom. Effectivement. Allô, je suis encore là? Ouais, ouais, Ouais, il y a bon, une je t'entends. petite coupure. Ah. Il y a des petites coupures Donc, régulières. ce que je disais, c'est qu'un nombre transcendant, c'est un nombre où on ne peut pas trouver une seule équation, donc avec des puissances, avec des polynômes, telle qu'il soit la solution. D'accord, Alors, donc ce que tu vas nous annoncer, on te et voit voilà, bah, venir gros comme une montagne. c'est que pi est un nombre transcendant, ça a été montré en 1882, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune équation avec des coefficients entiers dont la solution est pi. D'accord. Alors ça, c'est un peu embêtant. Alors, pour l'anecdote, juste sur les nombres transcendants, c'est assez étonnant parce que on a commencé à parler de nombres transcendants avant de savoir s'il en existait. Et puis finalement, on en a trouvé et après, on a démontré que pi aussi en faisait partie. Donc que jamais aucune équation polynomiale n'aura pour solution pi. Bon, bah comme ça, c'est un problème Voilà, de régler, je comme suppose ça c'est fait. Alors pour qu'il y en a qui résumer, arrêtent de se prendre la tête. c'est ça. Pour résumer, pi n'est pas un entier, il ne peut pas être dessiné avec un compas et une règle, il n'est pas solution d'une équation. Donc concrètement, ça a l'air d'être un peu le nombre le plus compliqué qu'on puisse trouver, enfin se dire, bon, on va peut-être pas s'attarder sur ce nombre finalement, ça doit être assez rare de trouver un nombre aussi compliqué que ça. Alors on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Oui, on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Alors, d'abord sur l'idée de savoir si pi est un nombre rare. Pour ceux qui ont écouté ou lu et lu mon dossier sur l'infini, on a vu qu'il existait plusieurs types d'infini, plus ou moins grands. En gros, il y avait au moins deux types d'infini, l'infini dénombrable, celui où on peut numéroter les éléments, et l'infini indénombrable, qui est beaucoup plus grand, et où on ne peut pas dénombrer les éléments. Dans le dossier, je parle de la bibliothèque de la bibliothèque de Babel, ou dans le podcast, je parlais du fait de ne pas pouvoir, avec une infinité de podcasts, parler de tout, parce que l'ensemble de toutes les phrases possibles était infiniment plus grand que l'ensemble de tous les podcasts. Bon, ben là, il se trouve que l'ensemble des nombres transcendants, donc qui sont solution d'une équation, c'est un ensemble de nombres un ensemble de nombres dénombrables. Alors que l'ensemble de tous les nombres possibles, donc en mettant n'importe quelle décimale, c'est un ensemble indénombrable. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que déjà, il y a infiniment fois plus de nombres qui sont comme pi que de nombres qui sont pas comme pi, donc les nombres qu'on connaît traditionnellement, qui sont solutions d'équations. Et plus fort encore, ça veut dire que si on prend un nombre au hasard, si tant est que ça veuille dire quelque chose de très précis, ben il y a une probabilité nulle de tomber sur un nombre algébrique, c'est-à-dire comme les entiers, comme racine de 2, comme tous ces nombres qu'on a l'habitude de voir. Donc J'adore ça. finalement, c'est pas Donc pi qui est rare, c'est vraiment les nombres qu'on utilise régulièrement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, C'est formidable. c'est Excellent. C'est complètement contre-intuitif pour changer. un peu déroutant. Alors, pour revenir un peu là-dessus, justement, sur la petite différence entre constante physique et constante mathématique, ça c'est vrai avec pi ayant une infinité de décimales. À partir du moment où on arrête les décimales de pi, ben, ça devient un nombre rationnel, ça devient un nombre algébrique, solution d'une équation, ça simplifie tout. C'est vraiment parce qu'il a une infinité de décimales qu'il respecte ses propriétés. Parce que je sais que tu aimes bien l'infini, Alan, je me J'adore ça. permets. J'adore ça. J'ai juste oublié d'embarquer mon aspirine là, mais. Alors, chose plutôt rassurante, c'est que pi, en fait, appartient quand même à un ensemble de nombres plus petits, et finalement, il va y avoir à des nombres beaucoup plus simples, qui sont les nombres qu'on appelle des nombres calculables. Alors, un nombre calculable, c'est quoi? Ben, c'est un nombre qu'on peut approcher à la précision qu'on veut avec un programme informatique de longueur finie, c'est-à-dire qui a un nombre de caractères finis. On peut l'approcher aussi bien qu'on veut. On peut calculer toutes les décimales, et c'est ce que pas mal de monde s'amuse à faire. Et il se trouve que les nombres calculables, ben, il y a aussi des nombres qui sont incalculables. Que finalement, l'ensemble de tous les programmes qu'on peut écrire, c'est un ensemble dénombrable. Et l'ensemble des nombres est un ensemble indénombrable. Donc, ce qui là est un peu dramatique, c'est que finalement, il y a infiniment plus de nombres qu'on ne pourra jamais calculer que de nombres qu'on peut calculer comme pi. D'accord. Et alors là, pour en finir avec ces nombres extrêmement bizarroïdes, je parlais en introduction d'un certain nombre oméga, donc c'est oméga de Chétine. Alors celui-là est assez sympa parce que c'est un ensemble de nombres et il y en a en particulier où on a démontré qu'on ne pouvait calculer aucune décimale. Il a plein de bonnes propriétés, mais on ne peut calculer aucune décimale. Je crois qu'on va même pas te demander d'exemple. Alors celui-là, j'ai pas d'exemple parce que là, oui, c'est plus compliqué. Mais ce qui est D'accord. intéressant, c'est de voir que donc tous ces nombres, que ce soit ceux qui sont solutions d'équations, voire même ceux qu'on peut calculer, c'est finalement une toute petite partie des nombres par rapport à tous les nombres qui peuvent exister, d'un point de vue mathématique du moins, parce qu'après ça reste que par le cercle. OK. Alors, pour être plus complet sur pi, là, c'est les propriétés démontrées de pi. Il y a beaucoup de propriétés qui ne sont pas démontrées sur pi, mais où on se dit qu'il y a des chances que pi les respecte. Par exemple, est-ce que pi est un nombre normal? Alors, un nombre normal, c'est un nombre dont les décimales suivent une certaine forme de hasard. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Plus amusant, il y a des conjectures. Donc, il y a des gens qui se demandent si pi est un nombre univers. Un nombre univers, c'est facile. C'est un nombre qui, dans ses décimales, contient tous les autres nombres, tous les nombres entiers. Alors là, par contre, il y a un exemple très simple. Il y a le nombre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. D'accord, si on continue jusqu'à l'infini, il Voilà, contiendrait par effectivement construction, tout. il contient tous les nombres. Alors, on se D'accord. demande si pi respecte ça. Alors, pourquoi on se le D'ailleurs, demande? Ouais. c'est la question de Docteur Gouloud tout à l'heure sur Twitter où il demandait si la Bible était présente dans Pi, en fait, Voilà, c'est ça, c'est en que si pi voyant est un le nombre mot. univers, ben, pi contient tout. Il contient la Bible, il contient tout ce qui est fini, il le contient en fait. Bon, après, il contient aussi beaucoup de choses inintéressantes, quoi. C'est le problème avec l'infini, hein. Mais en effet, si c'est un nombre univers, il contient tout. Alors, le fait qu'on se pose encore la question, c'est que on a calculé pas mal de décimales, je vais en parler maintenant. Et il se trouve que pour un nombre normal, on s'est amusé à regarder la répartition de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans les premières décimales de pi. Il se trouve que c'est ce qu'on obtiendrait par hasard. Donc c'est pour ça qu'on se dit, mais est-ce que c'est pas un peu des propriétés du hasard? Et pour nombre univers, c'est pareil, c'est qu'au fur et à mesure qu'on connaît les décimales de pi, on regarde quels ensembles de nombres il y a. Et déjà, d'ores et déjà, avec les décimales qu'on connaît, on peut trouver toutes les dates de naissance. C'est-à-dire les suites de six nombres sont dans pi. Donc si vous voulez chercher votre date de naissance dans pi, il y a un lien dans le dossier pour aller chercher sa date de naissance dans pi, qui est la technique de drague ultime, surtout le jour de pi. Je me demande s'il y a une proportion de célibataires plus Alors par importante chez contre, j'ai d'autres populations cherché, c'est ça. parmi les Bah, je crois que matelots. j'ai vu des statistiques, c'est pas foufou, Ah ouais, c'est ça, ça marche pas tellement. hein. Bizarrement, je suis pas étonné. Alors par contre, j'ai testé, il n'y a pas encore tous les numéros de téléphone dans Pi, donc pour donner son numéro de téléphone, c'est pas encore une méthode adéquate, Ah ouais, alors ça c'est la totale loose comme plan quoi. drague. Si tu tombes sur la personne intéressée et que ton numéro n'y est pas, c'est foutu. C'est ça. Bon, bah du coup, vu qu'on a un nombre calculable, ce qui donc, j'espère que je vous ai convaincu que c'était une grande chance d'avoir un nombre qu'on peut calculer, bah, on va parler un peu du calcul des décimales de pi, parce que ça, c'est aussi ce qui intéresse pas mal de monde. Alors, au début, je vous ai parlé des constructions d'Archimède avec des polygones. Alors ça a occupé les gens, c'est ce qu'ont utilisé les gens pendant très longtemps pour calculer les décimales. Alors, juste avant de dire ça, là, je vois que j'ai oublié de parler de quelque chose sur la chasse aux décimales. Le calcul décimal de pi ne sert strictement à rien. Hein. A priori, pour démontrer des histoires de nombres normaux, nombres univers, ça servira à rien parce qu'au mieux on se rend compte qu'il se passe quelque chose, mais encore faut-il le démontrer. Pour les histoires, vu que pi n'est pas rationnel, on ne trouvera pas de cycle. Et surtout, ça c'est quelque chose, c'est qu'on n'a pas besoin de plus d'une cinquantaine de décimales. C'est-à-dire que par exemple, la seule connaissance de 40 décimales de pi suffit à calculer la circonférence de l'univers avec la précision d'un atome d'hydrogène. Wow. Donc à partir de là, au-delà de 40 décimales, on n'est plus dans le domaine de l'utilité. Alors de l'utilité D'accord. mathématique, parce que par contre, il y a une vraie utilité algorithmique. C'est-à-dire que si on avait seulement suivi la puissance de calcul des ordinateurs, une fois qu'on avait les ordinateurs, et même avant, juste les puissances de calcul de mathématiciens Ah, un peu tu fous. pourras reprendre. Ah, si on avait suivi la puissance de Si on calcul. avait suivi l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs d'abord et puis des hommes après, on n'aurait pas trouvé aussi rapidement autant de décimales de pi. Donc c'est vraiment des progressions algorithmiques sur des méthodes de calcul des décimales. Donc au début, ce que je disais, c'est que les méthodes de calcul de pi reposaient principalement sur les polygones que je présentais en début de dossier. Alors ces méthodes, elles permettent de gagner 3 décimales toutes les 5 étapes, ce qui est pas foufou. Globalement, les dernières méthodes, je crois qu'on gagne une 15 à vingtaine de décimales en une étape. Donc, c'est quand même un peu plus efficace. Mais c'est quand même ce qui a permis de calculer une centaine de décimales au XVIIIe siècle. Donc, c'est pas mal. Alors, au XIXe siècle, les calculateurs de décimales s'organisent un peu. On atteint la 200e décimale en 1844. Alors, c'est attribué à von Strasinski, mais en fait, c'est plutôt Johann Martin Zacharias Dasch, je vais pas réussir à prononcer, bref, qui a réussi à faire qui a fait la chose parce que c'était un calculateur prodigue. C'est-à-dire que c'est lui qui effectuait les calculs parce que c'était ces génies comme on en voit parfois dans les émissions de télé qui sont quelqu'un pour calculer ces décimales, pour faire la plupart des calculs. Donc, bon, c'est assez amusant. Alors, ouais. Oui, lui, il est arrivé à combien de décimales, t'as dit? Lui, il a dépassé la 200e décimale. Je ne sais pas exactement D'accord. combien il en a calculé. Alors après, le record continue à être battu par Shanks, qui en 1874 calcule 707 décimales. Waouh. Alors ça, c'est assez intéressant parce que déjà, c'est pratiquement le dernier record humain, c'est-à-dire qu'il a été battu en 1945, mais bon, c'est pratiquement le dernier. Ensuite, pour l'anecdote, c'est sympathique parce que Shanks a passé 20 ans de sa vie à l'obtenir. Dans le genre, je m'amuse à calculer 700 décimales pendant 20 ans de ma vie. Ah. Et surtout, pour les Parisiens et pour les autres, il y a une vidéo à la fin du dossier, c'est les décimales qui sont dans la salle Pi du Palais de la Découverte, donc la seule salle au monde dédiée à Pi qui est à Paris, donc au Palais de la Découverte à Champs-Élysées-Clémenceau. Alors là, on est arrivé vers un problème où on voyait que c'était un peu les limites de la chasse aux décimales humaines. C'est que quand il y a quelqu'un qui passe 20 ans de sa vie à calculer les décimales, il y a deux possibilités pour la personne qui doit faire la vérification. Soit il trouve les mêmes décimales, Shanks devient célèbre et le vérificateur tombe dans l'oubli. Donc pour 20 ans de travail, c'est pas foufou. Attends, quand tu dis il vérifie, ça veut dire qu'il passe aussi 20 ans à Ben vérifier. voilà, c'est ça, c'est qu'il faut Ouais, bien que quelqu'un vérifie. Et il se trouve que bon, s'il vérifie, il sera pas célèbre. Soit il trouve les mêmes décimales et là ça prouve rien. Soit il ne trouve pas les mêmes décimales et là ça prouve rien. Il faut un autre vérificateur pour savoir qui a raison. il Donc passe aussi 20 ans. globalement, c'est pour ça que ce résultat, le résultat de Shanks, est resté comme ça pendant des années et il s'est avéré que avec les premiers ordinateurs et avec les autres démonstrations, on a démontré qu'il était faux à partir de la 528e décimale. Et alors pour faire taire une fausse rumeur, les décimales du palais de la découverte ont été corrigées aussi. Hein, donc c'est les vraies décimales au palais de la découverte, mais bon, elles étaient fausses au début. Alors c'était indiqué hein, par un écriteau que les décimales n'étaient pas vérifiées. Bon, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on était un peu à aux limites du calcul humain, et après arrive l'ère des machines. Alors l'ère des machines, pour calculer pi, ce qui est amusant, c'est que c'est à partir de ce moment où on avait des ordinateurs pour faire le calcul qu'on s'est posé la question de faire moins de calculs et de les faire un peu plus intelligemment, vraiment. C'est-à-dire que dans les autres, avant, on essayait de trouver des formules mathématiques plus efficaces. Avec les ordinateurs, on s'est aussi posé la question de mettre en forme le calcul pour en faire moins. Par exemple, si je veux calculer 2 fois 3 plus 2 fois 6, là je fais 3 opérations, c'est-à-dire que je fais 2 multiplications et une addition. Bah, si je factorise, c'est-à-dire que je fais 2 fois entre parenthèses 3 plus 6, je fais plus que 2 opérations, c'est-à-dire que j'ai un gain de temps de 30%. Et donc c'est ce genre de raisonnement qui a permis d'augmenter le nombre de calculs, d'augmenter le nombre de décimales calculées, même avec un ordinateur de puissance équivalente. D'accord. Alors en 1973, le premier million de décimales est dépassé par Guillou et Bouyer, qui utilisent en gros la même formule que Shanks, sauf qu'ils ont un ordinateur. Alors pour le côté franco-suisse du podcast, la vérification a été effectuée par le CERN à Genève, et le résultat a été publié. Donc ça c'est assez magique, j'ai vu le bouquin. C'est-à-dire que c'est bien un ouvrage qui contient que des décimales de pi, donc un million de décimales de pi. Ça doit être passionnant. Voilà. Donc, si vous demandez gentiment aux médiateurs du Palais de la Découverte, ils en ont un exemplaire. Donc, ils pourront vous montrer à quoi ressemble une publication de 1 million de décimales de pi. Alors, aujourd'hui, le milliard de décimales est dépassé. Alors, j'ai eu du mal à trouver un peu les choses récentes. Ce que je suis certain, c'est qu'en décembre 2009, il y a le Français Fabrice Bélard qui a établi un record vérifié de 2700 milliards de décimales calculés avec un simple ordinateur de bureau. Donc ça, c'est aussi le challenge. Alors, 2700 milliards de décimales, c'est assez intéressant. On va faire un peu de politique parce que c'était une des premières fois, c'est la première fois dans l'histoire où le nombre de décimales connues de pi dépassait le nombre d'euros dans le déficit français. Donc c'est quand même un bel effort. Ouais, magnifique, bravo. Là, Et c'est vrai que alors c'est là, ce pas que c'est ça. Et ce que j'ai vu de plus récent, c'est en octobre 2011, il y a deux Japonais qui avaient déjà battu le record de Bélard et qui annoncent avoir calculé 10 000 milliards de décimales. Mais a priori, il n'est pas encore vérifié, validé. Donc je peux pas être certain là-dessus. Mais bon, on continue à calculer des décimales et voilà. Donc pour finir, pi, c'est un nombre assez intéressant parce que déjà, il est finalement très complexe pour sa définition très simple. Il a beaucoup de propriétés et par contre, prévu, c'est qu'une infime partie des anecdotes. Alors, vu que je me suis pas mal aidé du bouquin, je vais le citer parce que si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire le fascinant nombre pi de Jean-Paul Delahaye, qui est un excellent livre et où il y a plein d'anecdotes qui est lisible par tout le monde sur justement ce nombre assez amusant. Voilà. Magnifique. Bah, écoute, merci infiniment. Marco, Hélène, vous avez des questions? N'a plus de cerveau. Ouais, moi, Bon, c'est ça pour va, il y ça. avait une démonstration. Non, c'est surtout tout ce qui est à côté aussi qui est assez rigolo, quoi. Ouais, voilà. Alors après, aujourd'hui, le gros de ce qui se fait sur Pi, c'est. Alors, je voulais en mettre dans le dossier au début, mais finalement, il y a tellement de choses à dire de sérieuses sur Pi aussi. C'est quand même pas mal de n'importe quoi autour de Pi, des gens qui chantent Pi, des gens qui font des tartes aux pommes, etc. Enfin, il y a beaucoup de n'importe quoi autour de Pi qui est assez amusant. Hein. J'ai mis un exemple dans les notes. Voilà, sur les occupations autour de Pi, quoi. Ok. T'as mis des liens sur les musiques qui sont basées sur les décimales de pi? Ouais, il y a un podcast Adresse-y. de Walter Proof où il avait fait pour le jour de Pi, je crois que c'était l'an dernier, oui, bah c'est l'an dernier, où il avait fait un épisode où il recensait un peu des musiques sur Pi qui sont amusantes. Ah, chouette, faudra qu'on essaye de trouver le Voilà, lien. faut. T'as mis le Je l'ai lien? mis le lien, je l'ai mis le Ah lien ouais, dans le dossier, excellent, donc voilà. formidable. Et alors après, dans les représentations entre guillemets artistiques amusantes, il y en a une sur le teaser. Je sais pas s'il sera encore visible une fois le dossier terminé. Où j'ai mis dans un cercle derrière, on a l'impression que c'est des couleurs mises au hasard, et en fait non, c'est des chaque couleur correspond au même chiffre, et donc c'est les décimales de pi. Mais comme les décimales de pi ressemblent à du hasard, on a l'impression que c'est n'importe quoi. C'était donc ça, c'est vrai que je trouvais les couleurs très bizarres. Voilà, c'est ça, et c'est les décimales de pi. Ok, donc ça c'est ce qu'on pouvait voir sur la homepage de Voilà, qu'on peut encore podcastscience.fm voir jusqu'à aujourd'hui. pour l'instant là. Alors pour ceux qui nous écoutent en live, ouais, c'est la dernière minute. Après, si vous nous écoutez en différé, Bah, peut-être vous que je vais pouvez mettre du coup le. l'illustration du coup dans le dossier, histoire qu'elle Ouais, soit bonne idée. accessible. Ouais. Excellent. Excellent, excellent. Bah écoute, ouais, dossier magnifique. Je te remercie. C'était vraiment, vraiment passionnant. Et mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini de parler de pi. On y reviendra probablement, peut-être une fois. Ben, Enfin, je l'an sais pas. prochain au On moins, compte sur quoi. toi. Ben, Si. ouais, alors là, ce que j'ai passé très rapidement et où il y aurait beaucoup de choses à dire, c'est sur le calcul des décimales de pi, où il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de choses que j'ai quasiment pas abordées là, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir si tu reviens dessus une fois, c'est les progrès qui en ont découlé. J'imagine qu'en informatique, on a dû faire pas mal de breakthroughs juste grâce à ça. Mais ce sera pour une autre fois, parce que là, l'heure tourne. On va enchaîner d'ailleurs. On va enchaîner avec quelque chose de tout nouveau qu'on va découvrir en même temps que vous, chers auditeurs. Hélène, tu nous as préparé une petite chronique. Me trompe-je? Non, c'est voilà. Donc, D'accord. Tu vas nous parler des femmes et des mathématiques, c'est ça? voilà, enfin des mathématiciennes, Des pour être exact, mathématiciennes. Ok. puisqu'il. Donc, bah, seriez-vous capable de me citer un mathématicien célèbre? Bon, ça va à peu près encore. Ouais, allez, Nico, il est pas encore célèbre, mais ça va pas tarder. Ouais, c'est ça, Il ouais. est célèbre parmi nous. Mais si je vous demande une mathématicienne célèbre, je pense qu'il y a nettement moins de monde. Ah, il n'y a pas Nico, c'est sûr. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai le temps de tricher, je peux vite aller voir sur Wikipédia. Bah, je vais en donner après des Ah, exemples. moi j'en ai une, mais bon. Moi, Bon, j'avoue, j'en ai vas-y. aucune. Hein. Allez, on passera pas pour une bande de gros machos, Nico, on t'écoute. Il y a Nicole El-Kharaoui qui fait des mathématiques financières, donc c'est un peu des mathématiques appliquées, peut-être que tu voulais des mathématiques fondamentales. Oui, non, bah, c'était juste. Elle est vivante aussi, c'est ça qui est Oui, elle est intéressant. vivante. Voilà. Ce serait intéressant de savoir s'il y a plus de mathématiciennes vivantes que décédées. Bref. Pour en revenir à ce que j'avais préparé, donc en fait, il en existe depuis l'Antiquité. Et en fait, elles sont nettement moins nombreuses que leurs collègues masculins. Mais voilà, femmes et mathématiques, ce n'est pas antinomique. Ok. Donc en fait, ce que j'avais pensé par rapport à cette chronique, c'est de vous parler en même temps d'un film, enfin très rapidement, et puis donc après de Ah, bah parler de excuse-nous, l'arrêt Hélène, parce que. scientifique derrière un peu plus long. Hélène, excuse-nous, on a une petite coupure, toi aussi, en fait. Ouais, On est désolé excuse-moi. auprès des auditeurs, hein, on a des coupures régulières, là, mais c'est vraiment pas de notre faute. Ouais, bon, on a pris les grandes décisions pour que ça n'arrive plus, mais On on va verra, ouais. pouvoir les appliquer dans 15 jours, 3 semaines au minimum. Effectivement, navré de toutes ces coupures, ça c'est un peu la cata. Donc, Hélène, tu vas nous parler d'un Donc, film en même temps. voilà, Excusez, c'est ça. voilà. Donc, je vais vous parler d'Agora, dont l'héroïne est la mathématicienne, on dit enfin grec, mais elle est en Égypte à l'époque romaine, mais voilà. Hypatie D'ailleurs. d'Alexandrie. Donc, je vais vous faire rapidement le pitch du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Au 4e siècle après Jésus-Christ, l'Égypte est sous domination romaine. À Alexandrie, la révolte des chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande bibliothèque, désormais menacée par la colère des insurgés, la brillante astronome Hypatie tente de préserver les connaissances accumulées depuis des siècles avec l'aide de ses disciples. Parmi eux, deux hommes se disputent l'amour d'Hypatie, Oreste et le jeune esclave Davus, déchiré entre ses sentiments et la perspective d'être affranchi s'il accepte de rejoindre les chrétiens, de plus en plus puissants. Donc, franchement, si vous n'avez pas vu le film, je vous recommande de le voir parce qu'il est assez sympathique et voilà. Donc, bon, okay. c'est du péplum. Hein, mais c'est... D'accord. Tu nous rappelles le titre ? Agora. Agora. Ok. C'est assez récent, c'est 2010. On le trouve en DVD ? Il est en DVD. Je ne sais pas s'il est en VOD, mais il est en DVD. Donc voilà, ça se trouve. Ok. Donc en fait, le film s'attarde pas plus que ça sur les travaux d'Hypatie. Enfin, il y a un moment, elle essaye de voir si la Terre est en mouvement ou pas. Donc elle essaye de voir et aussi de comprendre... quelles seraient quelles peuvent être les orbites des objets stellaires, donc des autres planètes du système solaire, et tout ça. Mais il faut savoir qu'en fait, dans la réalité, aucun travaux d'Hypatie nous sont arrivés parce que on pense qu'ils ont été complètement brûlés dans l'incendie de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Et en plus, le film ne s'intéresse pas franchement aux travaux scientifiques d'Hypatie, mais plutôt aux relations entre la science, la laïcité et la religion, en particulier du point de vue des extrémistes, parce que les chrétiens ne sont pas franchement posés, calmes et prêts... discussion dans le film. Ouais, voilà. Il n'y a pas que dans le film. Il n'y a pas que dans le film, mais pas dans le film. C'est des barbus noirs, mais c'est excité de Dieu, mais voilà. Voilà, encore une constante. Pas forcément chez les chrétiens aujourd'hui, mais... Voilà, donc c'est sympathique d'ailleurs de voir un film actuel où c'est des chrétiens. Ça peut rappeler à certains... Non, c'est intéressant de faire le parallèle, je pense. Ouais, tous les fondamentalismes, finalement, ça va là. Voilà, donc en fait, moi, quand j'étais petite, j'ai découvert une autre mathématicienne, c'est Sophie Germain, donc, qui était au 18e siècle. Et donc, en fait, sa vie, ça m'a vraiment passionnée, parce que elle a découvert les mathématiques à 13 ans, après d'avoir lu un livre sur la vie d'Archimède, toujours qui prend ses bains. En fait, elle a étudié d'elle-même les mathématiques à partir des travaux d'Euler et de Newton, malgré des tentatives pour l'empêcher d'étudier, en particulier de son père. Donc, elle étudiait le soir dans son lit, sous sa couverture, avec une chandelle et ses livres. Donc, voilà, c'est quoi C'était un acte de transgression, finalement, d'étudier les maths. Ouais. Et donc elle a même utilisé en fait, elle utilisait un nom d'emprunt pour se présenter ses travaux, qui est Antoine-Auguste Leblanc. Et donc en fait elle a commencé à écrire au mathématicien français Lagrange, et après elle a pas mal échangé aussi avec Gauss, qui est allemand. Et ils se sont rendus compte de son identité, en particulier Lagrange, quand il a voulu la rencontrer, parce que elle avait écrit un article assez intéressant, et il voulait donc la rencontrer pour en discuter, pour publier entre guillemets publier, parce qu'à l'époque c'était pas tout à fait comme maintenant, ses résultats. Et donc à ce moment-là, il s'est rendu compte que c'était pas un homme. Et donc voilà. Et donc ses apports en mathématiques sont essentiellement sur la théorie des nombres et la déformation des. Donc c'est les nombres premiers dont quand on les multiplie par deux et on additionne 1, on tombe encore sur un nombre premier. Du genre 5. 5 fois 2, 10, plus 1, 11, et 11 est premier. Voilà. Rigolo. Ok. Voilà, il y a une autre jeune fille qui s'est fait aussi réprimander par son père parce qu'elle voulait étudier les mathématiques. C'est Sofia Kovalevskaya, qui, elle, est à la fin du 19e. Elle a épousé un biologiste pour quitter la Russie et aller suivre des études en Allemagne, où c'était quand même pas très facile puisqu'elle n'avait pas forcément accès aux universités, étant donné qu'elle était une femme. Enfin bon, elle était quand même assez brillante, donc les mathématiciens l'ont repérée. Elle a réussi à obtenir un doctorat à l'université de Göttingen. Donc c'est une des premières femmes à avoir un doctorat en mathématiques. Et donc elle a travaillé sur les équations dérivées partielles et donc elle a amélioré les résultats de Cauchy et du coup le théorème, enfin il en découle un théorème de Cauchy-Kovetskaya. Donc voilà. Il y en a d'autres encore. Hein. Il y a Maria Agnesi à qui on doit une courbe et qui a refusé un poste de professeur à l'université de Bologne au XVIe siècle, ce qui était quand même très très rare à l'époque, pour se consacrer à des œuvres pieuses. Voilà. Bon. Ou alors Émilie du Châtelet, qui est beaucoup plus connue, qui était donc une des maîtresses de Voltaire, qui tenait des salons scientifiques et qui a traduit, enfin, qui était la première à traduire les œuvres de Newton en français. Donc D'accord. heureusement, enfin oui heureusement, durant le XXe siècle, le nombre de mathématiciennes a largement augmenté puisqu'elles ont eu accès à l'enseignement supérieur. Et les mathématiciens, enfin les hommes, et en particulier les mathématiciens, ont commencé à accepter qu'une femme était capable, aussi capable que de faire des mathématiques. Et donc leurs résultats pouvaient être intéressants. Donc comme disait Nicolas, dans les mathématiciennes actuelles, on peut citer Nicole El-Khaaraoui, qui travaille sur les mathématiques financières, et l'unique académicienne en mathématiques, Michèle Vergne. Donc ça, c'est pour les Françaises. Il y en a quand même un certain nombre d'autres. On compte dans les milieux universitaires une trentaine. Enfin, j'ai pas tout à fait les chiffres pour les maths, mais en sciences, c'est 30% de maîtres de conférences et on passe à 10% pour les professeurs. Donc voilà, plus on monte dans les échelons, moins il y a de femmes. Et en mathématiques, c'est particulièrement vrai. Ouais. Et il reste quand même un grand pas qui n'a pas été gravi par les femmes mathématiciennes, c'est d'obtenir une médaille Fields. Donc enfin, c'est souvent considéré comme l'équivalent des prix Nobel en mathématiques, puisqu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques. Sachant qu'il y a une petite différence, c'est que la médaille Fields, c'est tous les 4 ans et c'est pour les mathématiciens jeunes. Alors je crois que la limite d'âge, c'est 40 ans, j'espère pas dire une bêtise. Ouais, c'est Mais ça. donc c'est assez Voilà, donc restreint quoi. après, il y a le prix Abel, mais c'est beaucoup plus récent et qui n'a pas cette limite d'âge. Enfin, bon, bref. Toujours est-il que, quand même, la médaille Fields, c'est quand même une des références dans les récompenses aux mathématiciens et qu'il n'y a toujours pas eu de mathématicienne récompensée. Donc, ce qui est quand même assez dommage. Alors, enfin, si vous voulez en apprendre plus sur une mathématicienne plus ou moins célèbre, je vous encourage à visiter le site du Agnes Scott College, donc c'est un site américain. Et en fait, c'est une référence sur les biographies de mathématiciennes, c'est très vulgarisé, c'est en anglais. Et donc, si vous voulez pas lire de l'anglais, après, ben, il y a Wikipédia France qui propose une page qui recense un certain nombre de mathématiciennes, qui peut être aussi intéressant, on vous mettra les liens. Voilà. Donc, si vous êtes une fille, vous pouvez tout à fait faire des mathématiques. Eh ben ouais. Bah y a absolument pas de doute là-dessus. D'ailleurs, on peut être un garçon et ne rien y comprendre, la preuve. Mais ouais, ce serait intéressant qu'on fasse aussi un sujet là-dessus. Les femmes en sciences, les femmes en mathématiques, ou en tout cas le conditionnement, ça c'est un truc qu'on voit aussi dans l'informatique, dans les open space d'informatique. Il n'y a pratiquement pas de femmes, quoi. C'est un vrai Il n'y a pas désastre. Parce longtemps, qu'on voit qu'il y a des explications sociologiques c'est à ce et en fait phénomène. c'est essentiellement ouais, du ça enfin ouais c'est les femmes se s'auto-freinent en fait. Ouais, Soto, je suis pas sûr, quoi. Quand on voit les attitudes de certains profs de maths à l'égard des filles dès le plus jeune âge, je suis pas sûr que ce Oui, soit de enfin, l'auto-sabotage. il y a une partie d'auto-sabotage, on va dire. Ouais, C'est ouais. tellement rentré dans la tête Mais c'est des ça, gens il y a que. une croyance généralisée que les filles sont nulles en maths, quoi. Une croyance qu'on retrouve aussi bien chez les profs que chez les parents, que chez les élèves. Et ça finit par avoir un effet de prophétie autoréalisatrice, quoi. Effectivement, les filles deviennent nulles en maths tellement on les conditionne à être nulles en maths. C'est terrible. Parce qu'il n'y a rien sur un plan neurologique qui empêche une fille de raisonner comme un garçon quand il s'agit de manier des concepts mathématiques. Strictement rien. Non, je pense que tu as raison, Alan, parce que j'ai entendu un podcast il y a pas long, ben, la semaine dernière, alors je sais plus lequel c'est, par contre, j'en ai écouté plusieurs, et ça parlait justement des différences, enfin des pseudo-différences entre hommes et femmes au niveau science. Ouais. Et donc la personne disait que c'était purement culturel, quoi, qu'il y avait, que les filles étaient autant capables que les garçons au niveau science, mais c'était simplement la culture qui faisait que, ben, on retrouvait plus de garçons dans les classes scientifiques, hein, tout simplement. Mais si tu arrives à retrouver le podcast, ce serait intéressant qu'on mette le lien. Je cherche pas... parce que c'est vraiment il y a pas longtemps, hein, que j'ai entendu. Ok, bon, bah, raison de plus pour retrouver. Sachant que c'est pas vrai c'est pas vrai dans toutes les sciences, c'est-à-dire qu'il y a des sciences, bah, je pense particulièrement à la médecine où c'est un peu mieux réparti, quoi. Ouais. Oui, ouais, mais là aussi, pareil, c'est culturel, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'en compte aussi dans les sciences que, par exemple en biologie, il y a beaucoup de filles qui étudient la biologie, mais au moment de passer à la recherche, il y a une perte impressionnante. Donc ça, il y a aussi un souci de ce côté-là. Ouais, bon, là, je pense qu'il y a encore un deuxième là, on problème. On est dans du débat, là. Ouais, bon, même pas, j'ai l'impression qu'on sera tous d'accord. Mais c'est l'organisation des cursus qui ne tient pas compte de la réalité de la maternité non plus. Mmh. Enfin bon, on reviendra sur tout ça une autre fois parce qu'on a on a plus beaucoup de temps aujourd'hui. En tout cas comme c'était la journée de la femme jeudi dernier, ben, c'était bien de parler un peu des mathématiciennes. Juste, mais attention Marco, c'était pas la journée de la femme. La journée des droits des femmes. La journée des droits des femmes, exactement. Ah, ouais, non, mais bon. Sinon, c'est aussi en France, enfin dans l'éducation nationale française, la semaine des mathématiques et la thématique de l'année, c'est les femmes et les mathématiques. Ok, donc ça dans l'espoir de vouer des vocations. Magnifique. Bah, écoute, merci beaucoup Hélène d'avoir traité de ce sujet puis de nous avoir présenté le film. Donc Agora, t'as dit, hein? Agora, oui. On mettra le lien aussi. Ouais, ok. Le lien sur le marchand de DVD, bien sûr. Voilà. C'est bien, nous sommes sages. On va mettre en route le petit tic-tac qui va nous permettre de parler de l'émission de la semaine prochaine. Ah bah, il se trouve que c'est moi qui m'y colle. Donc je vais vous parler de l'un des défis majeurs que l'humanité devra relever au cours de ce siècle, nourrir 9 milliards de terriens. Aujourd'hui, nous ne sommes que 7 milliards et nous n'arrivons pas à nourrir tout le monde, alors que les pays émergents aspirent au même régime alimentaire que les pays riches, ce qui suppose beaucoup, beaucoup plus de ressources encore. Et les projections parlent de 9 milliards d'humains pour 2050. Alors comment allons-nous faire alors que déjà aujourd'hui, la terre, une terre ne suffit plus? On assèche des régions entières en détournant les rivières, on surpêche, on se gave de pesticides, on détruit des écosystèmes entiers. Nous devrons produire toujours plus avec toujours moins et avec une gestion durable des ressources par-dessus le marché. Possible? Pas possible? Et quid du bio dans l'équation? Est-ce une alternative sérieuse ou une mode passagère? C'est de tout ça que nous allons parler au cours des deux prochains épisodes, sans doute pas dans cet ordre-là, mais peu importe, et on va découvrir pas mal de choses surprenantes, notamment que la science compte déjà quelques miracles à son actif, sans le fameux processus de Haber-Bosch par exemple, à 7 milliards ce serait la famine et la guerre partout autour de nous. On apprendra également que les courants... Ah, j'ai dépassé ma minute. Bon, on apprendra encore quelques bricoles. Donc, que les courants trendy et aujourd'hui bobo limite altermondialistes trouvent en fait leur origine dans des courants réactionnels à l'extrême droite. Mais ce qu'on apprendra surtout, c'est qu'il existe des solutions et qu'elles sont pas forcément là où on croit. On va passer à la suite. La suite, c'est la quote. Hélène, je crois que tu nous as préparé quelque chose. Ouais, en fait, j'ai hésité entre deux quotes. Bah, tu vas nous les faire les deux, du coup. Voilà, parce que aujourd'hui, donc, j'ai trouvé une. C'est Pi Day, enfin, c'est le jour de Pi, donc j'ai trouvé une jolie citation sur Pi. Love is like Pi, natural, irrational and very important. L'amour est comme Pi, naturel, irrationnel et très important. Donc c'est Lisa. Ah, c'est super, c'est excellent. Du coup, j'aurais pas compris la subtilité avant le dossier de Nico. Mais je pense qu'on peut rajouter que c'est transcendant. Aussi. Exactement. T'as bien suivi. Donc voilà. Et puis donc la deuxième quote, c'est parce que c'est l'anniversaire d'Albert Einstein aujourd'hui, parce qu'il est, voilà, il est né le jour de Pi. C'est vrai qu'on aurait pu fêter ça aussi. Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc là, c'est par rapport à aux femmes mathématiciennes, hein, parce que on voit que femmes et mathématiques, au niveau préjugé, on a du mal à à le désintégrer. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que les préjugés ont la vie dure, hein. Changer la culture, c'est effectivement plus compliqué que d'agir sur l'atome. Et c'est Einstein qui a dit ça. Bon, ça ne m'étonne pas du tout de lui. Intéressant, bien. Alors Alan, j'ai retrouvé le podcast dont je parlais. En fait, c'était une Ah. émission de La Tête au Carré. D'accord. Et alors, je crois que le titre de l'émission s'appelait Que savons-nous de notre cerveau? Si je D'accord. me trompe pas, je crois que c'était celui-là. Mais en tout cas, c'était sûr, c'était La Tête au Carré. Ok, La Tête au Carré, c'est l'émission Ouais. de Mathieu Vidard sur France Inter. Exactement. Que savons-nous de notre cerveau? Qui est très bien, sauf quand il parle d'homéopathie. On n'en dira pas plus. On va pas lancer un nouveau débat. Moi, j'ai aussi une petite quote qui nous a été tweetée, je crois, par Olivier Trippet la semaine dernière. C'est celle que j'avais envie de faire à la fin de l'émission, puis il n'y avait aucun rapport avec ce qu'on avait raconté. Je vous avais dit qu'il y avait un vague rapport avec celle d'aujourd'hui. Alors vous allez essayer de le trouver. Quelqu'un se tient prêt à traduire? Je l'ai en anglais. C'est If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Et c'est Carl Sagan qui l'a dit. Si j'ai bien compris, c'est si vous voulez faire une tarte aux pommes, Ouais. Vous devez en premier inventer Si vous l'univers. voulez faire une tarte aux pommes en Ouais. partant de rien, donc en partant Ah vraiment oui, de zéro, pardon. bah il faudra Ouais. d'abord inventer l'univers. Voilà. C'est très joli. Le rapport avec aujourd'hui, c'est évidemment le pie, apple pie comme pie en anglais. C'est ça. Tout le monde fait des pies le jour de pie, enfin, le jour de pie chez les Il y a anglophones. même des tartes assez épiques, mais bon. Des tartes de pie épiques. Ouais, il y a Topo qui a partagé une tarte où à l'intérieur il avait découpé les morceaux de pommes en forme de décimales. Bon. Oh, j'espère que tu nous mettras une photo. Ouais, il faut que je la Si, retrouve. ah ouais, sinon dans le dossier, au moins dans les notes de l'émission. Ok, bon bah écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui. On a déjà allègrement dépassé, comme d'habitude. On n'arrive jamais à s'en tenir à 1 heure. Nous sommes incorrigibles, mais bon, après tout, on est un podcast, quoi. On n'est pas obligé de s'en tenir à 1 heure. C'est le côté sympa. On se retrouve la semaine prochaine. Ben avec plaisir. Oui. Ok, magnifique. Bah d'ici là, excellente semaine à tous. À tout bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut.